Chapitre 3 Les deux Jeannes. Jeanne première, reine de Jérusalem, de Sicile et de Naples. 1. Jeunesse et mariage de Jeanne de Naples. Nous allons changer de latitude. Nous allons passer les tropiques de l'amour tout en nous rapprochant, par le théâtre même de notre histoire, de la ligne tropicale des géographes. C'est à Naples que nous allons. Adieu au ciel brumeux de Paris, à la ville enfumée et boueuse des Valois, où est né ce proverbe « Quand il fait beau, prends ton manteau ». La galanterie florissait à Paris au XVe siècle, et même avant, cela ne fait pas l'ombre d'un doute. On la rencontre bien jusqu'au Kamchatka. Mais dans cette ville, dont les rues n'étaient nettoyées que par les crues du fleuve, où il faisait nuit noire au coucher du soleil, ni les splendeurs du ciel et de la mer, ni les parfums enivrants de la brise, ni la muette éloquence d'une campagne de fleurs, de moissons et de fruits, ne conspirèrent contre les cœurs chastes. On s'y aimait parce que l'amour est une plante vivace qui résiste à toutes les intempéries. Le soleil n'y était pour rien. Mais à Naples, c'est bien différent. À Naples règne un printemps éternel. Tout y conjugue le verbe « aimer ». Et si, par une de ces soirées plus belles encore que le jour, on se promène dans les jardins d'un palais, on s'étonne que les blanches statues qui peuplent les massifs de verdure puissent garder leur immobilité. Tout respire la volupté. Il faut que l'homme soit vraiment bien misérable de nature pour ne pas goûter le bonheur au bord de ce golfe enchanté. Nous devons donc faire provision d'indulgence pour les héroïnes de cette histoire, les deux Jeannes, qui se donnèrent à l'amour sans réserve, ne vivant que par lui et pour lui jusqu'à ce que mort s'en suivit. Éperdues de passion, elles ne reculent devant rien, même le crime, même l'abîme où les pousse leur aveuglement. La première tenait de son père sa nature érotique. Son père avait été tué tout jeune par ses excès. Son grand-père, le roi Robert, voulant lui assurer sa couronne, lui avait fait épouser le prince André, fils du roi Charles Robert de Hongrie, qui avait des droits au trône de Naples. Les mariés avaient de 7 à 8 ans. Le caractère tout politique de ce mariage ne pouvait guère se modifier que 5 ou 6 ans plus tard, même en ce pays où l'on peut parler de la sagesse d'une fille de 12 ans. Le jeune Hongrois se transporta à Naples, suivi d'une collection d'Allemands de distinction qui, étrangers à la langue et aux mœurs italiennes, formèrent une société à part. Il était en outre flanqué d'un gouverneur qui tout d'abord s'attacha à lui inspirer de l'aversion pour la cour napolitaine et la princesse royale. Les efforts de ce digne homme étaient bien inutiles. Jeanne et André semblaient nés pour se détester. L'une était une enfant d'une beauté élégante et gracieuse, d'un esprit précoce et ardent. L'autre était un jeune hibou de Germanie, dont les yeux roux s'ouvraient mal au grand soleil de Naples. Sa taille trapue était sans grâce, ses manières étaient brutales et farouches. Jeanne en eut peur d'abord. Il lui fallut plusieurs jours avant d'oser en rire. Elle grandit en apprenant à le détester, et elle n'attendit point de lui la réponse au premier battement de son cœur, à son gré. Il lui fallut attendre trop longtemps. Elle avait près d'elle une gouvernante, experte en intrigues de tout genre, qui épiait ses premiers désirs, la guettait à ce moment critique où s'éveillent les passions. Cette femme se nommait Philippine Cabane. Elle était originaire de Catane, et on la nommait généralement la Catanaise. Elle a joué dans la vie de Jeanne Ière un rôle important et funeste. Blanchisseuse et femme de pêcheur, elle avait été choisie pour nourrir l'enfant dont la duchesse de Calabre avait accouché en Sicile. Celle-ci était morte, et le duc Robert, qui plus tard devint roi et fut le grand-père de Jeanne, épousa Doña Sanchez d'Aragon. Philippine, jeune et belle, habile à deviner et à servir les passions de ses maîtres, pour les subjuguer, devint la favorite de Doña Sanchez. Sur ces entrefaites, le premier maître d'hôtel de Robert, nommé Raymond Cabane, était mort, léguant ses biens, son nom et ses titres, à un esclave sarrasin qu'il avait acheté, à un corsaire. Avant de mourir, il avait présenté ce jeune homme à Robert, devenu roi de Naples, et avait obtenu de lui céder sa place. Cabane, le sarrasin, fut donc armé chevalier par le roi, et fait grand sénéchal, en dépit des murmures de la cour, indignée. « quelques années plus tard, le pêcheur Catanet étant mort, il épousa Philippine, qui devint grande sénéchale et dame d'honneur de la reine, et peu après, gouvernante des deux princesses royales, Jeanne et Marie. D'après cela, on peut comprendre combien la situation de la Catanaise était difficile à la cour de Naples. Elle avait contre elle la noblesse et les Hongrois, et même le peuple, qui ne pardonnait pas à la femme d'un pêcheur, à une plébéienne, d'avoir pris rang parmi ses maîtres. Elle ne devait compter que sur Jeanne. Aussi, avant qu'André eût réclamé ses droits d'époux, la Catanaise lui avait déjà donné un rival. Elle n'avait plus à le redouter. « Je suis votre époux, » avait dit André à Jeanne, « et suis jaloux de vous servir, et je vois avec peine que je suis resté un étranger pour vous sous le même toit. « Prince, » lui avait-elle répondu, « attendez que je sois la reine, alors mon existence deviendra plus sérieuse et plus conforme à vos goûts. Vous m'aiderez à supporter le poids de la couronne. Jusque-là, je veux dépenser mes derniers jours de liberté à ma manière, et vous ne sauriez trouver place parmi mes femmes, mes poètes, mes musiciens et mes bouffons. » André se résigna à attendre. Le roi Robert étant mort le 17 janvier 1343, Jeanne succéda à son aïeul et, prenant la couronne, dut en accepter toutes les charges. Le premier devoir qu'elle eut à remplir fut envers son mari, et de ce jour, elle se jura de se débarrasser de lui. Elle avait déjà pour amant son cousin, le prince de Tarente. Celui-ci était aussi beau qu'André était laid, aussi séduisant que le Hongrois était déplaisant. Quant à elle, Boccace, qui fut l'amant de sa sœur, la comtesse Marie d'Artois, nous a laissé le portrait suivant. « Elle était fort belle, dit-il, d'une physionomie agréable et enjouée, d'un langage affable et gracieux, et, de même qu'elle savait au besoin montrer une majesté royale, elle savait aussi se montrer pleine d'humanité, de bonté familière, à ce point qu'on eût oublié qu'elle était la reine, et paraissait plutôt la compagne de ses sujets. Brantôme dit que ses portraits font témoigner qu'elle était plus angélique qu'humaine, que son visage respire une grande douceur. Singulier ange. Elle y paraît vêtue, ajoute-t-il, d'une robe qui montre être de velours cramoisi avec quelques parements d'or et d'argent. Elle était quasi de la propre façon que nos dames d'aujourd'hui portent le jour d'une grande magnificence qu'on appelle à la boulonnaise, avec force grande pointe d'aiguillette d'or. Elle porte en sa tête un bonnet sur son escoffion. En tenant compte de l'exagération des apologistes tels que Boccace et Brantôme, il reste certain que Jeanne était une des femmes les plus séduisantes de son temps. Maintenant, nous allons voir. 2. La corde d'or. La cour avait quitté Naples pour Avers, petite ville située sur la route de Capoue, à quelques lieues de Naples. Cette seconde résidence était loin d'être aussi agréable que la première. C'était une retraite presque monastique et qui semblait réserver ses longs portiques, ses galeries ogivales, ses salles immenses et voûtées, au travail et à la méditation, plutôt qu'au train d'une cour amie des fêtes somptueuses et des bruyantes orgies. D'où venait ce caprice? Cependant, si étrange qu'il pût lui paraître, André en avait accepté avec joie la proposition. Averse, c'était l'isolement, la solitude. Là allaient se trouver aux prises, dans un cercle plus restreint, les rivalités des deux cours, la cour de la reine et celle de son mari. Il y aurait une lutte, et peut-être une lutte décisive. André était bien décidé à prendre l'offensive si dès les premiers jours il n'était pas attaqué. Le mépris de la reine l'oppressait. Elle se jouait de lui et à ses droits d'époux opposait sa volonté de souveraine. L'audace du comte de Tarente l'irritait. Plus d'une fois, il avait songé à le tuer, mais il s'était contenu en se demandant s'il n'entreprendrait point une tâche surhumaine et qui dépassait les travaux d'Hercule en tentant d'exterminer les amants de sa femme. L'astuce profonde et toujours éveillée de la Catanaise l'effrayait par-dessus tout. Les yeux d'escarboucle de cette vieille étaient fixés sur lui, le suivaient partout, pénétrant sa vie dans ses moindres détails et son cœur dans tous ses secrets. La Catanaise était son cauchemar. Aussi, en partant pour Avers, ce fut à elle qu'il songea tout d'abord. « Ce hongre, dit Brantôme, qui semblerait parler d'un Prussien de nos jours, ivrogne très dangereux et malicieux, en faisant son simple et son niais, comme volontiers font-elles gens, le faisait plus que les habiles et honnêtes, et la voulait faire mourir pour être seul roi. Si ce n'est vrai, c'est bien vraisemblable. Et, quoi qu'il en fût, les passions étaient montées à un haut degré lorsque les deux cours arrivèrent à Avers. Le roi, faisant son niais, se promenait le lendemain sous une longue galerie dont les baies ogivales ouvraient sur une cour intérieure et qui reliait les appartements de Jeanne aux siens. Jeanne, entourée de ses dames d'honneur, parmi lesquelles se remarquait la terrible sénéchale, se distrayait par de menus travaux de femme en prenant le frais sous cette galerie. André s'approcha d'elle. Elle venait de dévider de longs fils d'or et de soie et s'amusait à les tresser. « Madame, lui dit-il, après l'avoir complimentée, quelle merveille nous préparez-vous là ? Oh, rien, sire ! Que vont devenir sous vos doigts ces fils de soie et d'or ? Une simple corde ? Vraiment, une corde ? Oui, sire. Et que comptez-vous en faire ? Un éclair de joie malicieuse alluma les grands yeux de la jeune reine. « Ah ! Faut-il que ce soit vous qui me le demandiez ? » fit-elle en riant. Tous les regards se tournèrent vers André. « Et pourquoi non ? Tout ce que fait ma reine est pour moi du plus grand intérêt. »« Si je vous le disais, cependant, » reprit Jeanne, toujours railleuse. « Parlez, je vous en prie. »« Eh bien, sire, cette corde de soie et d'or est faite pour pendre quelqu'un. » Ah ! Fit André avec un sourire pénible. « Mais permettez, les gentilshommes reconnus coupables ont droit à la hache. »« Oui, sire, et les autres à la corde, mais à la corde de chanvre. » »« Sans doute, mais les rois, vous, sire, par exemple. »« Moi ? » fit André avec une gaieté forcée. « Ah, si j'étais coupable envers ma reine bien-aimée, je ne sais, à la vérité, de quel supplice je serais digne. » »« Le cas est prévu, » repartit Jeanne, toujours sur le ton de la plaisanterie. « Et c'est une corde d'or que vous avez méritée. » André partit de rire, et ses courtisans suivirent son exemple. Et toute la journée, il n'eut d'autre mot au seigneur qu'il recevait. « Vous savez ce que fait la reine ? Une corde pour me pendre. » Mais au fond, il ne riait pas. Le soir, il fut comme d'habitude au coucher de la reine, et comme d'habitude se retira, en lui souhaitant la bonne nuit, du ton d'un sujet fidèle et d'un mari résigné aux bonnes nuits qui n'entrait pas dans son partage. Cependant, le lendemain, il ne retourna point sous la galerie, ayant appris que la reine y était occupée au même travail que la veille. Il se renferma dans sa chambre avec quelques-uns de ses fidèles chevaliers qu'il avait accompagnés enfant à la cour du roi Robert, et tint conseil. Ces chevaliers, qui depuis longtemps nourrissaient contre Jeanne et sa cour une haine profonde, furent heureux de le voir enfin acculé, si près de l'abîme, qu'il fut obligé de prendre une résolution énergique. Ils savaient tous l'histoire de la corde d'or et ne la prenaient point pour une vaine plaisanterie. « Sire, dit l'un d'eux, par ces paroles imprudentes de la reine, le ciel a voulu vous avertir. Il est temps de prendre un parti et d'agir. » « La personne de sa majesté doit vous être sacrée, mais il n'en est pas de même des personnes perverses qui l'ont détournée, dès son jeune âge, de ses devoirs envers vous, et qui ont juré notre perte à tous. Et, entre ces personnes, les premières qu'il faut frapper sont la Catanèse et son fils, le fils du mort. Frappez, nous sommes prêts. Dans ce palais d'Averse, les cris mourront étouffés. Aucune sédition populaire n'est à redouter. Et, les Siciliens défaits, la reine vous sera soumise. » Et d'ailleurs, fit un autre conseiller, si la reine ne se soumet, que le roi prenne la couronne. Il n'est pas douteux, reprit André, que Jeanne ne me fasse mettre à mort si elle le peut, car il faut que son cousin, le comte de Tarente, périsse, et elle ne me le pardonnera pas. La Catanèse et tous les Siciliens exterminés, il faudra pour notre sûreté et la tranquillité du royaume que Jeanne se résigne à entrer dans un couvent. Demain, il y aura fête au château d'Averse. Lorsque les gardes de Jeanne seront accablés par le vin, à un signal que je donnerai, on commencera le massacre. Pour aujourd'hui, prenons encore patience. » Le lendemain, la reine devait donner une fête dans les jardins du palais. Les préparatifs en étaient déjà commencés. Le soir, André ne se présenta point au coucher de Jeanne. Cette retraite inaccoutumée alarma la Catanèse. Une femme qui faisait sa police l'avertit, en outre, du conciliabule tenu chez le roi. Il ne lui en fallut pas davantage pour pressentir un danger imminent, et se décida à prendre le devant. Elle manda le grand sénéchal, son fils. « Il est temps d'agir, lui dit-elle, ou les Hongrois nous devanceront. Choisissez vos hommes, 5 ou 6 nous suffiront. » Quoi, déjà ? Fit le jeune homme. Un complot n'est jamais sûr du secret, répondit Philippine. C'est par un coup subit qu'il faut surprendre son ennemi. André est seul. Ses chevaliers sont rentrés chez eux. Tout dort, dans la confiance de notre perte jurée. Vous connaissez, sénéchal, le couloir qui réunit les bâtiments de la cour hongroise à l'appartement de la reine. Je ne parle pas de la galerie d'honneur, de cette construction moderne formée de gros piliers de bois. Je la connais. Vous en occuperez l'entrée de notre côté, avec vos hommes dissimulés derrière les piliers. Oui, madame. Là, vous attendrez André, qui ne tardera point à paraître. Il viendra seul ou suivi de son page. Il sera sans armes. Vos hommes l'étreindront dans leurs bras, étoufferont ses cris, et vous lui passerez autour du cou ce cadeau de la reine. La catanaise tendit à son fils la corde d'or. Le sénéchal, comte d'Evoli, prit cette corde des mains de sa noble mère et se déclara prêt à exécuter ses ordres. Il n'était pas surpris. Depuis longtemps, il méditait ce crime avec la vieille favorite. Ses deux beaux-frères, les comtes de Murzan et de Terlin, étaient dans le complot, ainsi que le grand chambellan, Artus, Catan, sénéchal de l'hôtel, Miligzano, huissier de la chambre, et deux gardes de la reine, Cantazzaro et Montefoscolo. D'Evoli fut prévenir ces honorables gentilshommes et les plaça dans la galerie, tandis qu'un page d'Artus se rendait chez le roi. « La reine, lui dit le page, vient de recevoir de Naples un courrier chargé de dépêches importantes. Elle vous prie de vous rendre à l'instant chez elle. » André obéit. « Je te suis, » dit-il au page. Et, sans autre compagnie, il s'engagea dans le couloir qui lui était réservé. Arrivé à l'appartement de Jeanne, il vit la porte fermée, dans une obscurité complète. Le page heurta à la porte. « Ouvrez au roi, » dit-il. Mais, au même instant, les deux gardes, placés de chaque côté de l'entrée, se rapprochèrent brusquement. L'un repoussa le page, l'autre se jeta sur le roi et le saisit à la gorge. Tous les conjurés accoururent, paralysèrent la résistance de leur victime, étouffèrent ses cris et l'étranglèrent. Puis, lorsque le malheureux fut tombé sans vie sur les dalles, lâche comme tous les assassins, ils lui prodiguèrent les outrages, le foulèrent aux pieds, le traînèrent dans la galerie. Jusqu'à ce que D'Evoli se fût souvenu de la volonté de sa mère, passa la corde d'or au cou du mort et le suspendit à un pilier sous les fenêtres de la reine. Si rapidement que se fût accompli ce meurtre, si prompt qu'ils eussent été à étouffer les cris de leur victime, à cette heure nocturne, dans ce palais silencieux, le bruit de la lutte avait été entendu et avait serré tous les cœurs. Les Hongrois, qui ne dormaient que d'un œil, étaient sur le qui-vive. Et une vieille femme inquiète était accourue en s'écriant « Qui donc égorge-t-on ici ?» Cette vieille était la nourrice d'André. À son approche, les assassins prirent la fuite. Le cadavre était déjà pendu. Elle examina et à ses vêtements reconnut le malheureux prince. « Mon roi » cria-t-elle d'une voix stridente. « Au secours, venez tous, ils ont étranglé notre roi !» À cet appel lugubre, tout le palais s'agita, tous les hommes s'armèrent, toutes les femmes se prirent à se lamenter, et au-dessus du bruit causé par l'alarme générale, on entendait toujours les cris de la vieille nourrice désespérée. Mais personne ne vint. Dans l'attente d'un massacre, chacun se barricada chez soi. Et les premiers rayons du jour éclairèrent le cadavre du roi, suspendu au pilier, et, à ses pieds, la fidèle nourrice, évanouie. Ce jour-là, Jeanne ne fit pas ouvrir ses fenêtres. Elle resta enfermée, elle aussi, entre la catanaise et Louis de Tarente, son amant, effrayée du crime et ne sachant quels ordres donner pour pourvoir à sa propre sûreté. Mais bientôt un tumulte épouvantable l'attira de sa torpeur. C'étaient les bourgeois d'Avers, en armes, qui envahissaient le palais. « Fuyez, madame, dit la catanaise, vos domestiques sont égorgés ou en fuite. N'attendez pas que vos chevaliers les plus dévoués soient réduits à se défendre contre la canaille. » « Fuyons à Naples, sous leur protection. » Jeanne ne redoutait rien des bourgeois d'Avers, mais elle ne demandait pas mieux de quitter un séjour qui lui rappelait son crime. Elle se déroba aux envahisseurs et partit en litière pour la capitale. De leur côté, les Hongrois, malgré les cris poussés contre les ennemis du roi, ne se croyaient pas en sûreté et détalaient dans diverses directions. Après avoir mis le palais à sac, les bourgeois se retirèrent. Aucun d'eux n'avait osé toucher au corps du roi, qui demeura pendu pendant 2 jours. Enfin, un chanoine de Naples, ému de ce scandale, alla détacher le corps et lui donna la sépulture, sans que personne, pas même un bourgeois d'Avers, se mît en devoir de l'y aider. 3. Le deuil de Jeanne. Le crime avait été commis le 18 septembre, mais tandis que la nouvelle s'en répandait en Europe, il était déjà oublié à Naples. C'est d'ailleurs un des pays où l'on oublie le plus vite. Les soucis, qui chez nous, ont l'aile onglée comme les chauves-souris, là-bas ressemblent à de beaux phalènes de velours. Le pape Clément VI, comme pontife, crut devoir lancer les plus terribles anathèmes contre les coupables. Et, comme suzerain du royaume de Naples, il voulut connaître d'un forfait dont de si grands personnages étaient accusés. Il envoya le cardinal de Saint-Marc fulminer sa bulle et informer le procès à Avers. À la bulle, personne ne fit attention. Ce fut du latin perdu. Quant aux informations, elles ne rencontrèrent qu'indifférence et mauvais vouloir. On n'avait rien vu, on ne savait rien. Officiers et magistrats refusaient leur ministère. Pendant ce temps, la reine mettait au monde un garçon, c'est-à-dire un prince, qui ressemblait peut-être beaucoup à Louis de Tarente, mais en qui les Hongrois reconnaissaient un héritier d'André. Les relevailles furent accompagnées et longtemps suivies de fêtes, bals, spectacles, tournois, dans lesquels, disent les historiens, la reine se livra à la joie la plus vive et la plus indécente. Le cardinal s'en retourna près du pape pour lui avouer l'insuccès de sa mission. Grande colère au Vatican. On venait d'ailleurs d'y recevoir une lettre de Louis, roi de Hongrie, frère d'André, qui réclamait justice et annonçait l'intention de descendre en Italie. Ce prince avait fait peindre l'assassinat de son frère sur un drapeau noir et appelé toute sa noblesse à se ranger autour de ce drapeau. Clément VI écrivit une seconde fois à Jeanne. « Tout le monde vous accuse, lui disait-il, d'être l'auteur du meurtre de votre mari. Si vous refusez plus longtemps à livrer les coupables à la justice, le roi de Hongrie entrera à Naples pour en tirer vengeance. » En même temps, il lui envoya Bertrand de Beau, comte de Montescaglieso, grand justicier, pour informer contre les assassins d'Avers. Bertrand, à son arrivée à Naples, convoqua les États et tint à la reine le langage le plus franc et le plus hardi. Il obtint enfin l'autorisation de sévir. Jeanne n'osa lui résister. Elle abandonna ses complices. Artus avait fui, mais la Catanaise et les siens se croyaient en sûreté à l'ombre du trône. Le légat les fit arrêter dans la chambre même de Jeanne, où ils étaient venus chercher un refuge qu'ils croyaient inviolable. Les deux gardes, Cantazzaro et Montefoscolo, furent également arrêtés. Cependant, le légat n'osa étendre la main jusqu'au comte de Tarente, et, tandis que l'on préparait le supplice de la famille catanaise et de quelques obscurs bandits, tout se préparait au palais pour les fêtes du mariage de Louis de Tarente avec la veuve d'André. « J'ai besoin de mettre ma couronne sous la protection d'une épée », avait dit Jeanne à son peuple. Mais Jeanne n'avait pas seulement besoin de la protection d'une épée, il lui fallait un mari, et dans son mari un amant, et dans cet amant non pas un de ces soupirants délicats qui font de l'amour inculte, mais un satyre ardent et brutal. Ce n'était point des sentiments qu'il lui fallait, mais des sensations. Nous n'exagérons rien, la reine aimait être battue. Louis de Tarente la brutalisait sans la blesser toutefois. Ces corrections produisaient l'effet d'un massage violent, et c'est dans les larmes et sous les coups que la passion se réveillait chez elle plus terrible. Voilà de terribles humeurs de personnes, comme dit Brantôme, qui cite un grand nombre d'exemples du même genre parmi les princesses et les plus grandes dames de son temps. « J'ai ouï parler, dit-il, d'une grande dame de par le monde, mais grandissime, qui ne se contentait de la lascivité naturelle. Pour se provoquer et contenter davantage, il fallait dépouiller ces dames et ces filles, je dis les plus belles, et ce délicat effort à les voir, et puis elle les battait du plat de la main, et les filles qui avaient délinqué quelque chose avec de bonnes verges. Mais nous irions trop loin si nous voulions peindre les mœurs de la cour la plus dissolue d'une époque et d'un pays où l'érotisme avait atteint son apogée. Nous laissons ces peintures à un musée napolitain, le musée secret. Revenons aux accusés. Bertrand voulut que le procès fût public, aussi bien que le châtiment. Il fit construire, au bord de la mer, une sorte de cirque en planches, et au milieu de ce cirque fit établir un échafaud sur lequel furent conduits les accusés pour être interrogés et appliqués à la question. Pour la première fois, le public put assister aux scènes atroces de la question ordinaire et extraordinaire, à la torture des brodequins et au tenaillement. On sortit des cachots ces engins monstrueux, et le peuple put repaître ses yeux et ses oreilles du spectacle des chairs fumant sous les tenailles rougies et des hurlements arrachés par la douleur aux accusés. Les cris parvenaient à la foule, mais non les aveux ou les dénonciations recueillies par les magistrats. Ce drame judiciaire se prolongea plusieurs jours. La Catanaise résista à tous les supplices, et pas une parole lui fut arrachée contre la jeune reine, qu'il avait abandonnée et qu'il oubliait dans les plaisirs. Son fils, Dévoli, eut moins de générosité, mais le peuple n'en connut rien. On ne l'amenait à l'échafaud et on ne le transportait à la prison qu'après l'avoir bâillonné. Philippine Cabane, la Catanaise, périt en se tordant dans des convulsions de douleur. Ses deux filles et ses fils, après avoir été disloqués et tenaillés avec le plus grand art, furent condamnés à mort et précipités dans un brasier allumé près de l'échafaud. Tout le monde applaudit à ce châtiment, moins par amour de la justice que par haine de cette famille de plébéiens parvenus. Cependant, le frère d'André n'était pas satisfait. La vraie coupable, à ses yeux, était la reine. Jeanne, lui ayant écrit pour l'apaiser, il lui répondit « Ta vie désordonnée, la vengeance de ceux qui ont tué ton mari, non poursuivi, l'autre mari que tu as incontinent épousé, et l'excuse que tu m'as envoyée depuis, sont pleines de preuves que tu as été participante et complice à la mort de ton mari. » Et il entra en Italie. 4. La vengeance du roi de Hongrie. Nous glisserons rapidement sur les événements militaires et politiques pour nous attacher au récit des aventures galantes et tragiques. À l'approche de l'armée hongroise, les troupes rassemblées par Louis de Tarente se débandèrent et, à la nouvelle de cette panique, Jeanne vit la solitude se faire autour d'elle. Chambellan, sénéchaux, ministres, conseillers, écuyers, gardes royales, tout le monde des courtisans et des valets avait pris la fuite. Avant même que le roi eût pu rejoindre la reine pour lui annoncer la dispersion de son armée, c'est en voyant le vide se faire autour d'elle que Jeanne comprit toute l'étendue du péril qu'elle courait. À l'aide de ses femmes, elle emballa ses effets les plus précieux à la hâte et se fit conduire au port. Là, elle avait trois galères provençales, toujours prêtes à mettre à la voile. Elle connaissait son peuple et son armée. Elle prit deux galères, laissa la troisième à son mari et gagna le large. Louis ne tarda point à la rejoindre. Tandis qu'il voguait vers la Provence, le roi de Hongrie, altéré de sang, entrait à Naples, livrait la ville au pillage et faisait arrêter tous les amis de la cour. Après cette justice sommaire, il voulut visiter les lieux où son frère avait été étranglé. Il se fit accompagner à Avers par le duc de Duras, ancien amant de Jeanne. Lorsqu'ils furent tous deux sous la galerie dont nous avons parlé, « Racontez-moi, dit Louis de Hongrie au duc, comment le roi mon frère a été assassiné. »« Je l'ignore, sire. Vous étiez au palais. J'étais à Naples. »« Traître, s'écria le roi, il est inutile de mentir. Tu étais ici. C'est ici que tu l'as frappé. J'ai de toi une lettre où tu parles de le faire périr. C'est ici à ton tour que tu périras. » Le duc fit un geste pour implorer grâce, mais un coup d'épée le renversa aux pieds du roi qui le regarda mourir. C'était peu, à son gré, que la mort de cet homme pour donner une idée au monde attentif de la puissance d'un roi de Hongrie. Et malheureusement pour son orgueil, il ne rencontrait plus ni grand coupable, ni population soulevée contre l'envahisseur. Le patriotisme manquait aux Napolitains, et le roi de Hongrie avait beau les égorger, il n'obtenait point de les faire battre, et ne réussissait qu'à les faire fuir. Il en fut ainsi presque de tout temps dans ce pays, sans cesse sillonné par les armées allemandes, espagnoles et françaises. En quelques semaines, Louis de Hongrie acheva la facile conquête du royaume, autrement dit, distribua ses soldats dans les forteresses, rendit la justice et leva les impôts. Les cruautés qu'il exerça ne servirent qu'à sa satisfaction personnelle. Puis, gorgé de richesses, il voulut montrer aux Italiens qu'un prince allemand sait aussi à ses heures être galant et magnifique. Il donna des fêtes où la cour allemande étonna les Napolitains par la capacité de ses estomacs, et consomma en quelques heures autant de vins et de victuailles que Naples tout entière en un mois. Du côté de la galanterie, ils furent moins triomphants, et, à défaut de patriotisme, le goût italien opposa ses répugnances, la barrière de ses délicatesses et de ses recherches, à la brutalité naïve des chevaliers germains. Le roi lui-même rencontra des cruels. Il n'y avait de cruels que pour les étrangers. Un jour, le roi entreprit de se faire aimer par une fort belle dame, et un matin, profitant de l'absence de son mari, il vint lui faire visite sans cérémonie, seul, en simple chevalier. Il la trouva encore au lit. Il causa avec elle en bon italien, s'efforça de lui plaire, ressuscita l'éloquence amoureuse de sa 20e année, mais en vain. La dame demeura insensible et coite en son lit, répondant à peine et ne souriant qu'à ses propres pensées. Il n'en obtint rien que de la contempler à son aise. Il lui fallut se résoudre à battre en retraite. Cette marche rétrograde n'est pas, en amour, d'une stratégie moins difficile que celle de l'attaque ou de l'investissement. Il faut éviter à la retraite l'ère de la défaite et de la déroute, se retirer en combattant. Le vainqueur de Naples ne l'ignorait point. Aussi, avant de se retirer, hasarda-t-il quelques timides caresses, un baiser d'adieu, mais, comme il s'était approché du lit, survint le mari. La surprise fut telle de part et d'autre que Louis n'eut pas le loisir de retirer son gant, qui s'était perdu parmi les draps, je ne sais comment. Le mari, reconnaissant le roi, s'inclina dans un respectueux silence. « Monsieur, lui dit ce dernier, je vous dirai, comme la reine de Castille, il y a 4 choses que je prends plaisir à voir. Un homme d'armes sur les champs, un évêque en son pontificat, un larron au gibet et une belle dame dans son lit. » Et il se retira. Le brave gentilhomme, après l'avoir accompagné poliment jusqu'à la porte, revint près de sa femme et, comme elle se levait, aperçut le gant du roi. Il le prit et le serra, sans rien dire, mais depuis fit froide mine à sa femme et renonça à partager son lit. La pauvre dame, fort attristée de ses soupçons, écrivit un jour le quatrain suivant. « Vigna era, vigna son, era podata, or piu non son, et son soper quel cagion, non mi poda il mio padron. » Ce qui peut se traduire ainsi, « J'étais vigne, et le suis encore, j'étais cultivé, et ne le suis plus, et je ne sais pour quelle raison ne me cultive plus mon patron. » Le mari trouva le quatrain, prit la plume à son tour, et y répondit, « Vigna eri, vigna sei, eri podata et piu non sei, per la grande fa de Leon, non ti poda il tuo padron. » En français, « Tu étais vigne, et vigne tu es. Tu étais cultivé et tu ne l'es plus. À cause de la griffe du lion, ton patron ne te cultive plus. » Et il laissa aussi le quatrain sur la table. Cela n'apprenait pas grand-chose à la pauvre dame. Elle savait très bien que la cause de la froideur de son mari était la rencontre fâcheuse de la griffe du lion. Mais cette griffe ne l'avait pas atteinte. Son honneur était intact. Comment le prouver à son mari et comment l'en convaincre ? Elle s'adressa au lion lui-même et lui montra les 2 quatrains. Le roi se piqua de véritable galanterie et mérita ainsi le titre de « Galantuomo » bien avant Victor Emmanuel. De sa lourde main de soldat, il écrivit la réponse que voici. « Alla vigna, che dicete, io fui, e qui restete, alzai il pamparo, guardai la vite, ma non tocai, si Dio m'aiute. » En français, « À la vigne que vous dites, je suis allé et m'y arrêtai. J'en soulevai la pampre, en regardai le raisin, mais n'y touchai point. Où Dieu ne m'aide ?» Comme on le pense, cette réponse fut bientôt communiquée au mari, qui se contenta d'une si honorable réponse et reprit la vigne délaissée. 5. Un peuple comme on n'en voit plus. À cette époque, Avignon et la plus grande partie de la Provence appartenaient à la couronne de Naples. Cette distribution de territoire, qui aujourd'hui paraît bizarre, était alors dans sa logique et dans le droit. Les princes possédaient les États et par conséquent pouvaient, en dépit des intérêts des populations, en dépit de toute raison, se transmettre les uns aux autres des territoires importants. Une princesse apportait en dot une province. Il eût plu à une princesse française d'épouser le prince impérial du Céleste Empire et de lui donner en dot une province française. Cette province fut devenue chinoise. Ceci est bon à rappeler. On comprend alors l'organisation des armées composées de mercenaires de tout pays et l'absence du patriotisme, dans le sens élevé qu'il a aujourd'hui. Le patriotisme en Europe, quoi qu'en disent les détracteurs ignorants ou de parti pris de la France moderne, existe en France, plus senti ou plus vivace que n'importe où, parce qu'en France, chaque citoyen peut dire « l'État, c'est moi ». La patrie, C'est la nation aussi bien que le territoire. On nous pardonnera ces réflexions un peu sérieuses parce qu'elles serviront à expliquer l'aventure singulière de Jeanne Ière en Provence. Reçue d'abord avec enthousiasme, elle put trouver dans l'accueil des Provençaux une consolation à l'infidélité des Napolitains. Mais, à peine installée à Aix, elle se vit entourée d'une surveillance inquiète et jalouse, à ce point qu'un jour la foule s'était ameutée et s'était opposée au départ d'un courrier emportant une lettre de Jeanne pour Clément VI. Elle s'enquit des raisons de cette émeute, et le plus respectueusement du monde, on lui déclara que l'amour du peuple provençal la faisait prisonnière, qu'il la voulait garder pour reine, et de toute façon s'opposerait soit à ce qu'elle quittât la Provence, soit à ce qu'elle cédât ce pays au pape. Cela s'était déjà vu peut-être, mais cela ne se voit plus depuis longtemps. « Nous tenons notre reine chez nous, gardons-la », s'étaient dit les Provençaux. Il n'y avait pas de danger cependant qu'elle repartît de suite pour l'Italie, car la peste venait d'y débarquer et y répandait ses ravages. Louis de Hongrie, épouvanté, avait reculé devant le fléau et abandonné Naples et ses troupes jusqu'à des temps meilleurs. Après avoir embarqué les princes du sang d'Anjou, l'enfant de Jeanne et d'André et son trésor, il avait fait voile pour Gênes et la Hongrie. Quant aux troupes, elles s'étaient reconstituées en bandes indépendantes et remplaçaient la solde royale par le pillage du pays. Voilà comment le soldat devenait bandit, en attendant que la vieillesse le fît mendiant. Décimés par la peste, ruinés et opprimés par la soldatesque étrangère, les Napolitains regrettèrent le bon temps des fêtes et des tournois de la reine Jeanne. On ne lui reprochait autre chose que la maladresse avec laquelle elle s'était débarrassée de son premier mari. Sans le scandale de cet étranglement, on eût continué à vivre bien tranquille. Quant au crime, quant au sort d'André, on avait trop souffert des Hongrois, on les avait trop en haine, pour ne pas absoudre l'assassinat et pour s'apitoyer sur la victime. Aussitôt que le fléau disparut, les Napolitains envoyèrent à Jeanne des députés pour la prier de rentrer dans sa capitale. Jeanne ne demandait pas mieux, mais les Provençaux n'y voulaient point consentir. Comment faire pour s'arracher à l'amour des uns et se rendre à l'amour des autres ? Elle s'adressa à son suzerain, Clément VI, et celui-ci consentit à intervenir en Provence et à lui faire rendre la liberté, moyennant la cession d'Avignon pour 30 000 florins. Tous ces événements s'étaient accomplis en 7 mois environ. Vers la fin d'août 1348, Jeanne et son mari, Louis de Tarente, furent de retour à Naples. Louis rassembla, comme il put, une armée d'aventuriers et disputa ses provinces aux bandes hongroises et allemandes qui les dévastaient, en attendant le retour de leur roi légitime. Pendant ce temps, que fit la belle Jeanne pour charmer les loisirs que lui laissait l'absence de son mari ? Qui remplit, la nuit, près de son auguste et charmante personne, la vacance du trône ? L'histoire n'en dit rien, probablement parce qu'elle veut faire hommage à notre bon sens, d'un sous-entendu si facile à deviner, et nous laisser l'honneur de la suppléer. Jeanne n'était point femme à languir et à se morfondre en l'absence de son royal époux. Tandis que Louis de Tarente guerroyait contre les bandouliers, elle avait autour d'elle ses courtisans, ses écuyers, ses pages. « Holà, mon page, venez me conseiller, l'amour me berce et ne puis sommeiller. » Cependant, comme nous n'avons aucun fait authentique à citer à l'appui, nous reprenons les pages de la chronique vénérable, dû le lecteur trouver qu'elle manque de gaieté. La gaieté, en effet, est absente. Mais le romanesque, non point. Le roi de Hongrie ne tarda point à rentrer en scène. L'Italie est un fruit doré dont on a toujours faim dès qu'on en a approché ses lèvres. Il revint avec 10 000 hommes de cavalerie. Selon la tradition respectée, les troupes napolitaines prirent leurs jambes à leur cou et essayèrent de gagner de vitesse sur les cavaliers hongrois. Louis de Tarente, mieux inspiré, se renferma dans la citadelle d'Avers. L'ennemi investit la citadelle, mais se découragea bientôt dans l'inaction d'une cavalerie en face de hautes murailles qu'aucun engin de siège ne lui permettait d'attaquer. Le roi de Hongrie se retourna du côté du Saint-Père. « Tout ce que je demande, lui dit-il, c'est que Jeanne consente à être jugée, prononcée entre nous. » Le pape intervint de nouveau. Un armistice fut conclu et Jeanne consentit à se rendre à Avignon pour être jugée. Devant le tribunal, composé d'ecclésiastiques, la royale accusée, par sa beauté, son art de plaire, son éloquence naturelle, ses artifices féminins, se concilia bientôt toutes les sympathies. Elle eût obtenu un bien plus grand succès si elle eût osé se servir de l'argument de la courtisane grecque devant l'aéropage. Elle se contenta d'exposer à ses juges que son premier mari lui avait été imposé par la volonté de son père, qu'il était laid et déplaisant au possible. Cependant, elle avait essayé de vaincre ses naturelles répulsions et s'était soumise à sa condition d'épouse, les yeux fermés, en offrant à Dieu ses peines. Elle serait parvenue à aimer son mari si, comme elle s'en était bientôt aperçue, ses ennemis n'avaient usé contre elle d'un maléfice. La sorcellerie et le diable s'en mêlant, elle pressentit les plus grands malheurs. Quant au meurtre d'André, elle n'en avait été que la cause indirecte et ignorante. Enfin, si plus tard elle s'était remariée, c'est qu'elle avait besoin de l'appui d'un guerrier illustre, et qu'il vaut mieux se marier que brûler. C'est une maxime de l'Église. La cour pontificale déclara Jeanne innocente. Louis de Hongrie se soumit à cet arrêt et se retira avec son armée.